بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 16 dans l'explication de des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'oun al-Nawawiyya. Et aujourd'hui donc on est dans le hadith numéro 6 dans l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et donc le hadith numéro 6 c'est un hadith très important, très intéressant aussi, et on va lire ensemble qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a dit à propos de ce hadith-là. On va lire le hadith en premier. Le hadith c'est quoi? C'est un hadith qui dit « An al-Nu'man ibn Bashir » رضي الله عنه تعالى رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله Ala wahiyal qalb rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith, il est rapporté selon An-Nu'man ibn Bashir. Dans ce hadith, An-Nu'man ibn Bashir, il dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait que le halal il est clair, et le haram, il est clair, et entre les deux, il y a des choses qui sont un peu floues, qui sont un peu ambiguës, que très peu de gens connaissent, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces questions-là qui sont entre les aspects clairs du halal et du haram. Donc disons que il y a des choses qui ne sont pas claires pour certains, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça a. Qu'est-ce qui a rapport avec ces choses-là? Est-ce que c'est halal ou haram? Mais celui qui, comme le prophète Sansem dit, فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ celui qui fait attention et qui s'éloigne des shubuhat, des aspects qui sont ambigus et qui sont pas clairs, alors il est resté propre, il s'est gardé propre et innocent de tout ce qui pourrait l'atteindre de haram dans sa religion et de ce qui pourrait nuire à son honneur également. Et celui qui est tombé dans les shubuhat, il est tombé dans le haram. Celui qui tombe dans les choses qui sont douteuses, qui sont ambiguës, alors lui, il est tombé dans le haram. C'est comme le berger. Lorsqu'il va paître avec son troupeau, près d'une clôture ou près d'un terrain qui est interdit, eh bien, plus qu'il s'approche de ce terrain-là avec son troupeau, plus que il y en a parmi les animaux de son troupeau qui risqueraient d'aller manger sur ce terrain-là qui est interdit. Et donc, Ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ce sujet-là, au sujet du fait de s'approcher de ce qui est haram, et il a mentionné par la suite que dans le corps, il y a un morceau, si ce morceau-là il est bon, le reste du corps sera bon, et si ce morceau-là il est mauvais, le reste du corps sera mauvais, ou le reste sera mauvais, et c'est ce morceau-là, c'est le cœur. Donc comme on l'a dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est un hadith qui renferme beaucoup de significations très importantes dans la religion musulmane, et on va lire ensemble des explications de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit « An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, huwa wa abuhu Bashir ibn Amr al-Ansari sahabiyan. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين فالحلال بين فيما نص الله تعالى عليه في القرآن أنه حلال أو نص عليه صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام فالله جل وعلا نص على حل بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وما تولد منهما ومثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فالبيع حلال وما لم يشتمل أو ما البيع فالبيع حلال ما لم يشتمل على غرر أو غش أو خداع وهو من أطيب المكاسب فما نص الله جل وعلا على أنه حلال يأخذه الإنسان ولا يتحرج منه. الشيخ الفوزان يكتلك النعمان بن بشير lui النعمان ainsi que son père البشير sont deux compagnons du prophète محمد صلى الله عليه وسلم, ce sont deux parmi les sahaba. Donc النعمان بن بشير c'est un sahabi et Bashir, qui est son père, il s'appelle Bashir ibn Amr al-Ansari, lui aussi c'est un sahabi. Donc le père et le fils sont des sahaba, et c'est pour ça que quand on mentionne son nom, quand on dit An-Nu'man ibn Bashir, on dit au lieu de dire radiyallahu anhu, on dit radiyallahu anhuma, parce que tous les deux étaient des sahaba, le père et le fils. Et ensuite, le cheikh il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le halal est clair et le haram est clair. Donc certes, ce qui est halal, le halal il est clair, il a été clarifié. Et qu'est-ce qui est le haram, il a été clarifié. Donc le cheikh explique que qu'est-ce qui est halal, c'est ce qui a été clarifié par un texte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui mentionne que cette chose elle est halal, ou bien un texte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna qui mentionne que cette chose elle est halal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 1 dans Surah Al-Ma'ida, Uhillat lakum bahimatul an'am. Les bêtes les bétails, des animaux de bétail, ont été rendus halal pour vous. Et qu'est-ce que c'est bahimatul an'am? C'est des catégories de bêtes ou d'animaux que les gens domestiquent et qu'ils utilisent soit pour la reproduction, ou pour leur lait, ou pour leur peau, ou pour leur viande. Comme les chameaux, les vaches et les chèvres, et tout ce qui est engendré par ces animaux-là, donc on les appelle bahimatul an'am. Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus halal pour nous. Uhillat lakum, c'est-à-dire ça a été rendu halal pour vous. Ensuite, le cheikh il dit al-Baqara, donc il dit un autre verset dans surat al-Baqara dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ahallallahu al-bay'a. Donc, ça veut dire quoi ce verset-là? Ça veut dire, c'est le verset 275 dans Surat al-Baqara, ça dit que le commerce a été rendu halal pour vous. Uhillat lakum bahimatul an'am. Donc, le commerce a été rendu halal pour vous. Et le cheikh, il dit que, donc le commerce, tant qu'il ne comprend pas rien de tricherie ou de trahison ou de tromperie, hein. Alors dans ce cas-là, c'est une des meilleures formes de subsistance, ou un des meilleurs moyens pour gagner sa vie, c'est de faire du commerce. OK, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré dans le Coran que le commerce était halal. OK? Et ensuite le cheikh il dit que tout ce que Allah a indiqué dans les textes, dans sa révélation comme étant halal, alors l'être humain peut le prendre et il n'y a aucun problème pour lui de le prendre puisque c'est quelque chose permis pour lui. Et il mentionne ensuite قال وإن الحرام بين وهو ما نص الله أو رسوله على تحريمه مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية قوله تعالى وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فالله حرم قتل الأنفس المعصومة بغير حق وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال لا تقربوه يعني اتركوه اتركوا الوسائل التي تقرب إليه مثل النظرة والخلوة المحرمين وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فنص على تحريم الربا فما نص الله أو رسوله على أنه حلال يؤخذ وما نص على أنه حرام يترك وليس هناك مجال للتردد إلا ممن في قلبه زيغ أو هوى. Donc le cheikh explique ici que qu'est-ce qui est haram, il est clair aussi. C'est-à-dire que s'il y a un texte du Coran ou une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui indique que quelque chose a été déclaré haram, alors dans ce cas-là, cette chose-là devient haram et c'est comme l'exemple dans le verset 3 dans Surah Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les animaux morts, c'est-à-dire les animaux qui sont morts, mais qui ne sont pas morts parce qu'on les a égorgés, qui sont morts soit de mort naturelle ou de maladie, ou qu'il y a une autre bête qui les a tués, ou un accident, ou des choses comme ça, ces bêtes-là sont des bêtes mortes, on les appelle al-maïta. Donc ces choses-là ont été déclarées haram, de même que le sang, de même que la viande de porc, de même que ce qui a été égorgé pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que des mouchriquins les ont égorgés ou sacrifiés au nom d'une autre divinité, au nom d'une idole, ou au nom d'un wali, ou au nom d'un djinn, ou au nom d'autre que Allah, donc ça c'est un animal qui est haram pour nous. Donc ça c'est des exemples de choses que Allah a déclaré clairement dans le Coran comme étant haram, de façon explicite. Jusqu'à la fin du verset 3, on retrouve d'autres exemples aussi. Après le cheikh il dit, de même que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat al-Isra, le verset 33, il dit « وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ » Ne tuez pas la personne que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de tuer, excepté pour un droit. Et le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit de tuer l'âme qui est protégée, sans qu'il y ait un droit. Donc, de tuer un individu, musulman, ou bien de tuer un kafir qui est sous la protection d'un pacte ou d'une entente avec les musulmans, c'est haram de le tuer. Parce qu'il est protégé. Et là, le haq, c'est le droit, c'est quoi? Excepté pour un droit, c'est-à-dire pour un droit de la charia que cette personne-là a contredit. Qu'on connaît bien dans la règle du talion, etc. Le cheikh il dit ensuite, wa également Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que dans le verset 32 dans Surat al-Isra qu'il a interdit de s'approcher de l'adultère. Il a dit ne vous approchez pas de l'adultère. C'est certes une grande turpitude et une voie ou un sentier très mauvais. Voilà taqrabu zina. Et le cheikh il dit aussi, il mentionne donc que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le zina et qu'il a interdit non seulement de faire le zina, mais il nous ordonne d'abandonner tous les chemins ou tous les moyens, toutes les voies qui pourraient nous rapprocher de qu'est-ce qui a rapport avec le zina. C'est-à-dire comme par exemple an-nazra, c'est-à-dire de regarder qu'est-ce qui est haram et de s'isoler, hein, de s'isoler avec une femme dans un endroit fermé, dans un endroit clos, ou bien de rester seul avec une femme dans un tête-à-tête, une femme qu'on a le droit d'épouser. Hein, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-khalwa, et ça c'est haram. Donc ces deux choses-là sont des moyens vers le zina et al-khalwa. Al-khalwa. Et donc c'est pas seulement le zina qui est haram, mais tout ce qui peut amener au zina, et donc le fait de le regard et le fait de rester seul avec une femme en tête-à-tête ou de rester isolé avec une femme, ça c'est des choses qui peuvent amener au zina, et donc c'est haram. Après, le cheikh il mentionne le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, 275, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Donc Allah a permis le commerce, mais il a interdit le riba. Donc ça c'est la preuve que le riba il est haram, avec un texte clair d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sur le fait que le commerce est halal, on a le droit de le prendre, mais le riba est haram et on n'a pas le droit de faire quelque chose à rapport avec le riba, on doit l'abandonner. Et le cheikh il dit que quand il y a un texte clair qui nous dit que quelque chose en particulier est halal, on peut le prendre, que peu importe qu'est-ce que c'est, et quand il y a quelque chose qui nous interdit dans un texte, quelque chose, et qui nous dit que c'est haram, eh bien il faut l'abandonner. Et le cheikh il dit, il ne faut pas hésiter, une fois que quelqu'un a su que quelque chose est haram, il ne faut pas hésiter de l'abandonner. Le cheikh il dit, il n'y a personne qui hésite d'abandonner quelque chose qui est haram, excepté celui qui a une déviation dans son cœur ou une passion dans son cœur. Et à ce sujet-là, en passant, j'aimerais juste mentionner un point par rapport à ça. C'est que souvent vous avez des gens qui suivent certaines tendances un peu soufis, et que eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils parlent de l'islam, ils vont jamais mentionner aux gens qu'est-ce qui est haram. Ils disent non, il faut pas dire aux gens qu'est-ce qui est haram, faut pas dire, clarifier aux gens que telle ou telle chose est haram. Parce que ça va faire fuir les gens. Donc ils disent, il faut leur dire des compliments, il faut leur dire qu'ils sont des bonnes personnes, il faut leur parler d'autres choses pour soi-disant les faire se sentir bien, et après ça, les approcher de nous-mêmes. Donc, il y a des gens qui disent comme ça, « Ah, l'islam, c'est pas que du haram. Vous, quand vous parlez de l'islam, vous ne faites que dire, « Ah, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. » On dirait que pour vous, tout est haram. Et on entend souvent ce discours-là, et même j'ai entendu certains prêcheurs, hein, qui, lorsqu'ils parlent, ils disent, il y en a qui pensent que plus quelque chose est interdit, plus on interdit de choses, plus c'est islamique. Hein. Et ils essaient de faire comprendre aux gens que, yani, ils essaient de faire comprendre aux gens que, il faut pas dire aux gens que les choses sont haram. Et ils disent, par exemple, il y en a qui croient que tout est haram. Et nous, on pourrait dire de notre côté, il y en a qui pensent que tout est halal. Mais la question, c'est pas d'exagérer dans le fait de rendre tout haram ou dans le fait d'essayer de rendre tout halal, mais c'est dans le fait de respecter qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et de dire que qu'est-ce qui est halal, c'est halal, et qu'est-ce qui est haram, c'est haram, mais aussi de prendre en considération qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith-là. C'est-à-dire que il y a des choses qui ne sont peut-être pas haram en elles-mêmes, mais si tu sais qu'une chose peut, une chose qui est halal peut t'amener à quelque chose de haram, alors dans ce cas-là, cette chose-là qui est halal, elle devient elle-même haram, du fait qu'elle peut te faire tomber dans quelque chose de haram. Donc maintenant, ça c'est un principe qu'on appelle dans l'islam « sad al-zara'i'a ». « Sad al-zara'i'a », c'est-à-dire de fermer toutes les portes vers les choses qui peuvent nous amener vers quelque chose de mal, qui peut nous nuire en nous-mêmes, ou nous nuire dans notre cœur, dans notre foi, hein, dans les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Donc ça veut dire que les gens qui essaient d'ouvrir la porte au haram et qui essaient d'ouvrir la porte aux choses qui sont ambiguës pour essayer d'encourager les gens à dire mais non, c'est pas grave, tout n'est pas haram, il faut se laisser aller oui, c'est vrai que tout n'est pas haram, mais en même temps, de rentrer dans ce qui est ambigu et dans ce qui est douteux et de laisser les gens faire ce qu'ils croient être bon sans avoir de preuves ou de compréhension ou de connaissance de l'islam, ça c'est dangereux. Hein. Et c'est pour ça que souvent j'ai entendu certains de ces prêcheurs-là quand ils parlent, hein, comme en particulier Tariq Ramadan, une fois il faisait une conférence, il a dit, dans la société occidentale, tout ce qui n'est pas contraire à l'islam, tu peux le prendre, et c'est islamique. Hein. Mais le problème avec ce qu'il dit, c'est que là tu es en train de t'adresser à des savants de l'islam ou à des gens ordinaires, des musulmans ordinaires. Est-ce que tu penses, est-ce qu'une personne qui est un musulman ordinaire qui n'a pas étudié la charia, qui n'a pas étudié le Coran et la sunna et les règles de la charia et les principes de la charia, est-ce qu'elle va être capable d'analyser la société occidentale pour savoir qu'est-ce qui est halal dans la société occidentale et qu'est-ce qui est haram dans la société occidentale en détail? Non. Il ne pourra pas trancher dans les endroits qui sont ambigus ou dans les endroits qui sont douteuses. Et donc, il risque de penser que certaines choses dans la société occidentale sont bonnes et de les déclarer halal ou de dire qu'elles sont acceptables. Et il risque parfois même de croire que certaines choses sont mauvaises parfois alors qu'elles sont bonnes et il les déclare haram alors qu'elles sont permises. On a vu des cas de ces deux exemples-là. Et je parlais avec un frère en France, un frère qui fait la da'wa. Hein? Et puis il disait, c'est vrai qu'il y a des frères quand ils se convertissent à l'islam, ou bien quand ils commencent à pratiquer l'islam nouveau, c'est-à-dire des frères qui étaient dans, qui vivaient une vie un peu contraire à l'islam, ok, puis qui ont commencé maintenant à pratiquer l'islam, quand ils reviennent à l'islam, des fois, ils veulent tellement faire des efforts pour être sur le droit chemin qu'ils tombent dans une exagération parfois. Et ils arrivent même parfois à considérer que tout est haram, même des choses qui sont permises, même des choses qui sont correctes, ils tombent dans des exemples comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux extrêmes, que ce soit d'un côté ou que ce soit dans l'autre. Mais pas d'ouvrir la porte complètement aux gens pour les laisser aller et faire tout ce qui leur tente, ou tout ce que les shaitans essaient de les séduire à faire, surtout dans les choses qui ont rapport avec la société occidentale, parce qu'il y en a qui essaient de donner aux musulmans une bonne conscience dans le péché qu'ils font, pour essayer de leur enlever le remords, ou pour essayer de leur enlever la culpabilité lorsqu'ils font des péchés, de leur dire « ouais, non, c'est correct, on a le droit d'être ici, on a le droit de prendre tout ce qui est dans la société, même si on n'est pas dans… » même si on n'est pas certain que c'est en accord avec l'islam, c'est pas grave. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et le cheikh il dit donc, justement, le point dont on veut parler, c'est ce point-là. Donc le point dont on vient d'expliquer un petit peu quelques exemples, c'est ce point-là. Le cheikh il dit وقال وبينهما أمور مشتبهات. يعني هناك أمور مشتبهات بين الحلال والحرام ولا يدرى هل هي من الحلال أو هي من الحرام؟ لأنها تنازع فيها الأدلة، أدلة تدل على أنها حلال وأدلة تدل على أنها حرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلال، كيف الحال أخي؟ بخير. الحمد لله. الحمد لله. لأنها تنازع فيها الأدلة، أدلة تدل على أنها حلال وأدلة تدل على أنها حرام، وهذا مما اختلف فيه العلماء، فبعضهم أفتى بجوازه وبعضهم أفتى بتحريمه، نظرا لأن كل واحد منهم رجح جانبا من الدليل، فهذا مشتبه لا يدرى هل هو من الحلال أو هو من الحرام، فإنه يترك من باب الاحتياط والتورع حتى يتبين أمره، فإن تبين أنه حرام يترك نهائيا، وإن تبين أنه حلال أخذ، أما ما لم يتبين وهو مشتبه وهو مشتبه فإن الورع والاحتياط ترك هذا الشيء. Donc le cheikh explique ici, il dit qu'il y a des choses qui sont ambiguës dans les, entre le halal qui est clair et entre le haram qui est clair, c'est-à-dire qu'est-ce qui est permis qui est clair et qu'est-ce qui est interdit qui est clair et textuellement mentionné de façon explicite dans les textes du Coran et de la Sunna, hein, entre ces deux-là, il y a des choses qui sont, il y a, disons, une zone grise, hein, il y a des choses qui sont, disons, ambiguës pour beaucoup de gens. Ces choses-là, elles sont, en fait, elles sont claires pour ceux qui ont la science, pour ceux qui ont de la compréhension, pour ceux qui ont de la connaissance de l'islam. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'islam comme ils font en détail, de façon approfondie, ces choses-là peuvent paraître ambiguës et peuvent paraître douteuses. Et donc, le cheikh, il dit que il y a des choses, des aspects parmi ces choses-là que certaines personnes ignorent. Est-ce que c'est halal ou haram? Il y en a qui ne peuvent pas savoir lequel est. Est-ce que c'est halal ou haram? Soit que ce soit des choses, ou soit que ce soit des situations. Hein, des fois, il y a des gens, c'est pour ça qu'on appelle les ulama, pour leur poser la question. Parce que souvent, on est dans une situation, on veut faire quelque chose, on ne sait pas. On n'est pas capable de trancher clairement est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram. Hein. Donc, c'est pour ça. Et le cheikh, il dit que il y a différentes. Il donne un exemple pourquoi ces choses-là sont ambiguës, pourquoi ces choses-là ne sont pas claires ou ne sont pas douteuses pour tout le monde. Une des raisons, c'est que parfois c'est des questions au sujet desquelles il y a des preuves qui sont mentionnées qui sont contradictoires. Dans le sens que certaines preuves montrent que cette chose-là elle est halal, tandis que d'autres preuves montrent que cette chose-là elle est haram. Et donc ça fait partie des choses au sujet desquelles les savants ont divergé entre eux. Certains ont donc fait des fatwas pour dire que c'est permis, d'autres ont fait des fatwas pour dire que c'est interdit, parce que chacun d'entre eux a eu une façon différente d'analyser les preuves et de déterminer quelle position était plus proche de la preuve par rapport à l'autre. Donc dans des situations comme ça, certains ne vont pas être capables de savoir qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram dans des questions pareilles. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de distinguer entre les preuves et dans laquelle est authentique, laquelle n'est pas authentique. Parfois, il y a un savant qui s'est basé sur un texte ou une preuve, mais le texte sur lequel il s'est basé, c'était pas un hadith qui était authentique. Parfois, le hadith, il est authentique, mais un, il l'a compris d'une façon, l'autre, il l'a compris d'une autre façon. Hein? Parfois, par exemple, il y a un hadith qui dit que telle chose, elle est halal, et un autre hadith qui dit qu'elle est haram, et c'est parce qu'il y en a un qui avait précédé l'autre, et il y en a un qui est venu abroger l'autre. Et il y en a des ulama qui vont être capables de savoir ou de déterminer lequel est venu abroger l'autre. Il y en a d'autres ulama, peut-être qu'ils n'arriveront pas à trancher, à déterminer cette question-là. Donc, et ça c'est des exemples, et il y a beaucoup d'autres exemples ou des cas dans lesquels les ulama vont diverger au sujet d'une preuve ou au sujet d'un texte. D'accord? Et le cheikh, il dit que dans des situations pareilles, quand c'est une situation qui n'est pas claire, ambiguë, et on a des doutes au sujet de quelque chose, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram, alors dans ce cas-là, le mieux c'est d'abandonner cette chose-là. Hein? Le mieux c'est d'abandonner cette chose-là, de ne pas le faire, jusqu'à ce que ça devienne clair. Il y a des musulmans, au contraire, quand ils voient que quelque chose est douteux, quand ils voient que quelque chose n'est pas clair, c'est là qu'ils se précipitent pour le faire. Là, puisque ce n'est pas clair, puisqu'il y a de la divergence, puisqu'il y a différentes opinions, alors je vais le faire dans ce cas-là, ça veut dire que c'est permis. Il pense que la divergence est une preuve pour justifier le fait que quelque chose soit licite ou permis dans l'islam, alors que ce n'est pas le cas. Hein. La divergence n'est pas une preuve, mais au contraire, la preuve, c'est les explications du Coran et de la Sunna. Exactement, donc des fois la preuve est claire, mais pas pour tout le monde, c'est ça le problème. D'accord? Pour un savant, elle va être claire, mais pour quelqu'un comme nous, elles ne vont peut-être pas être claires. Là. Donc, le cheikh explique, il dit, c'est mieux quand il y a quelque chose de douteux de l'abandonner, de ne pas rentrer dedans. Hein? Et donc, on attend. Lorsque tu n'es pas sûr, tu ne rentres pas, tu ne te précipites pas, tu ne te dépêches pas. Tu prends ton calme, tu analyses les choses, tu poses la question, tu recherches. Quand la chose est claire, quand la chose a été clarifiée, là, par la suite, tu vas savoir est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal. Si tu découvres par la suite que c'est haram, tu vas t'en écarter complètement et définitivement. Et si tu découvres par la suite que c'est halal, là tu vas le faire et tu vas le prendre sans problème. Hein? Mais tant que tu n'as pas découvert ou compris clairement est-ce que quelque chose est halal ou haram et que quelque chose est douteux pour toi, alors dans ce cas-là, le mieux à faire c'est de t'en écarter pour préserver ta religion et ton honneur et de rester loin de cette chose-là. D'accord? Donc, c'est ça le cas. Il y a des gens, quand ils ont des doutes, ils ne posent pas la question aux savants, ils ne retournent pas aux ulama et aux gens de science pour leur poser la question, est-ce que ça c'est permis ou non? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans le haram, ils font l'affaire qui était interdite, après, ils commencent à réaliser l'erreur qu'ils ont faite, là, ils téléphonent à un savant, ils disent, cher, j'ai fait telle ou telle chose, maintenant j'ai réalisé que qu'est-ce que j'avais fait c'est haram, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour réparer mon erreur? Mais si tu n'étais pas rentré déjà dans le doute en partant, tu n'aurais pas maintenant à réfléchir à savoir comment tu vas faire pour réparer cette erreur-là. Bon, l'erreur est humaine, mais il faut éviter les erreurs. Comme on dit en français, il y a un slogan, un proverbe qui dit « prévenir, c'est guérir ». Donc si tu préviens, c'est quelque chose qui va t'aider à guérir parce que tu ne rentres pas. Et il y a un autre proverbe qui dit « la meilleure façon de sortir de quelque chose, c'est de ne pas rentrer ». Hein? Donc si tu veux, hein, comme les gens ils vont dire « ah mais je suis rentré », il y a des gens parmi les koufars des fois, ils disent « ah je suis rentré dans telle place, j'ai pris un verre, après j'ai pris un autre verre, après j'ai pris un autre verre, après j'étais ivre, après j'ai pris ma voiture, après j'ai fait un accident, etc. » Mais si tu ne t'es pas rentré dans l'endroit où on servait l'alcool, en partant, tu ne serais pas tombé dans ces choses-là. Donc, de couper, de s'éloigner complètement des choses haram, et, ou bien des choses douteuses, des choses qui ne sont pas claires pour toi. Il y a une autre explication qui est donnée par le Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, bon, c'est dans le même sens. Le Cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Ça, c'est une note de bas de page qui dit « Si inna Cheikh, إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله أو لا ينص على واحد منهما فالأول الحلال البين والثاني الحرام البين فمعنى قوله الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد والثالث مشتبه بخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في الأمر حراما فقد برئ من تبعته وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد. Donc, le Cheikh Imam Ibn Hajar, il a clarifié cette partie-là, il a dit, dans Fath al-Bari, qu'une chose, c'est soit qu'il y a un texte dans le Coran ou dans la Sunna qui nous ordonne de le faire avec la menace de l'abandonner. Avec la menace contre le fait de l'abandonner. C'est-à-dire, il y a des choses dans le Coran, Allah il nous ordonne de le faire et il nous menace de ne pas l'abandonner. C'est-à-dire, il dit, si vous abandonnez telle chose, ou si vous ne le faites pas, vous allez être puni. Et il y a d'autres choses dans les textes du Coran qui mentionnent que si tu abandonnes quelque chose qui est obligatoire, tu risques d'être puni, tu as la menace. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'abandonner quelque chose et il nous menace dans le cas où on le ferait, Donc ça, c'est les premiers cas. Le premier cas, c'est Allah il t'ordonne de faire quelque chose et il te menace de ne pas l'abandonner. Et le deuxième cas, c'est il t'ordonne d'abandonner quelque chose et il te menace si tu le fais. Ou bien qu'il n'y a pas de texte ni pour l'un ni pour l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un verset, il n'y a pas un hadith qui mentionne ni un ni l'autre. C'est-à-dire une chose au sujet de laquelle il n'y a pas un ordre de l'abandonner et il n'y a pas un ordre de le faire non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a ni un ni l'autre. Il n'y a pas de menace si tu le fais et il n'y a pas de menace si tu l'abandonnes. Donc c'est une chose qui est neutre. Donc le cheikh il dit, le premier exemple qu'on a mentionné, les choses qui sont ordonnées de faire et que Allah nous menace si on ne le fait pas, ça c'est qu'est-ce qui est halal et qui est clair. Et le deuxième cas, c'est l'exemple de quelque chose qui est haram et qui est clair. Donc la signification de quand on dit que le halal il est clair, c'est-à-dire donc c'est ça, il dit qu'il y a trois choses. Il y a la première chose qui est le halal qui est clair, et la deuxième chose, le haram qui est clair. Et la signification du halal qui est clair, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de clarifier parce qu'il a déjà été clarifié. Et tout le monde est égal dans le fait de le savoir, parce que c'est des choses qui sont tellement claires, tu ne peux pas le manquer. Comme l'interdiction, par exemple, du porc. Il n'y a pas beaucoup de musulmans dans le monde qui ignorent que le porc est haram. Parce que c'est un verset qui est clair dans le Coran, qui nous mentionne que le porc est interdit. Il n'y a pas beaucoup de musulmans qui ignorent que l'alcool est haram. Parce que c'est un verset clair qui mentionne son interdiction. Il n'y a pas beaucoup de musulmans dans le monde qui ignorent que le zina c'est haram. Donc, la majorité des musulmans, ils savent ça. Donc, ça, c'est des choses qui sont claires, et il y a des choses qui sont halal, qui sont connues par tout le monde, également. Comme le commerce, comme des choses qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, ça, c'est des choses qui sont connues par la plupart des gens. Mais il y a une troisième catégorie de choses qui peuvent être ambiguës ou subtiles, des choses qui sont plus détaillées que pas tout le monde sont capables de connaître. On peut pas nécessairement savoir est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram. Et dans des cas comme ça, le cheikh il dit qu'il faut les abandonner, il faut s'en écarter. Donc si la chose était réellement haram, par la suite on découvre que cette chose a été haram, la chose dont on s'est écarté parce qu'on doutait de est-ce que c'est halal ou haram, si par la suite on découvre que c'est haram, alors on a préservé notre religion de toutes les mauvaises conséquences de cette chose haram. Et si on s'en est écarté parce qu'on avait des doutes au sujet du fait est-ce que c'est halal ou haram, et bien aussi, en plus de protéger notre religion, on a également protégé notre honneur. Et aussi, si cette chose-là, elle était halal, et on découvre que par la suite, elle était halal, eh bien, on aura la récompense du fait qu'on l'avait abandonnée avec cette intention-là. Oui, si cette chose-là, elle était halal, alors tu auras la récompense de l'avoir abandonné avec cette intention-là, même si c'était halal. C'est-à-dire, on va dire que tu avais abandonné quelque chose, tu ne savais pas est-ce que c'est halal ou haram. Après, tu découvres que c'était haram. Eh bien, tu as protégé ta religion. Donc, c'est une bonne chose. Et même si tu découvres que c'était halal par la suite, on va dire que tu avais des doutes, après tu as découvert que c'était halal, tu dis, ah, je l'ai abandonné pour rien, parce que c'était halal. Non, tu ne l'as pas abandonné pour rien, tu es récompensé quand même parce que tu l'as abandonné pour une bonne intention et pour une bonne raison, en te basant sur ce hadith, du fait de vouloir t'écarter de ce qui est douteux. Après, le cheikh il dit, « قال لا يعلمهن كثيرا من الناس لأن أكثر الناس جهال لأن أكثر الناس جهال لا يعرفون طريق الاستدلال والترجيح ونوع الأدلة ونوع الاستدلال وقوله لا يعلمهن كثير من الناس دل على أن القليل من الناس يعلمهن وهم الراسخون في العلم يعلمون هذه المشتبهات هل هي من الحلال أو من الحرام وذلك بما أنعم الله عليهم من العلم والفهم ومعرفة قواعد الاستدلال والترجيح فمن تبين له أنها حلال أخذها ومن تبين له أنها حرام تركها ومن اشتبه عليه الأمر فإنه يتوقف عنها وهذا هو الموقف من المشتبهات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها وقاية وهي الترك فقد استبرأ لدينه وعرضه أي نزه دينه من أن يتناول الحرام ونزه عرضه أيضا من أن يتكلم الناس فيه donc le cheikh explique il dit que il y a une catégorie donc qui est douteuse ou qui est ambiguë, qui est pas claire et il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas ces aspects là est-ce que qui connaissent pas les détails à savoir est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram ces choses qui sont ambiguës pourquoi parce que le cheikh il dit parce que la plupart des gens sont ignorants La majorité des hommes sont ignorants. Ils ne connaissent pas les voies qu'on doit utiliser pour arriver à connaître les preuves d'une chose, ou comment faire le tarjih, comment arriver à comprendre laquelle de deux positions différentes, laquelle de deux positions est la bonne entre les divergences entre les ulama. Lorsqu'il y a des divergences entre les ulama par rapport à des textes de la charia, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment faire le tarjih et comment savoir laquelle des deux positions est la bonne selon les principes de l'islam et les catégories de preuves qui sont acceptées dans l'islam et l'authenticité des hadiths, etc. Donc, il y a peu de gens qui connaissent les détails de ces choses-là, et donc c'est pour ça que la majorité des gens ne connaissent pas le verdict au sujet des choses qui sont plus ambiguës. Et le cheikh, il dit là, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces questions-là, ça c'est la preuve que il y a très peu de gens qui les connaissent, et ceux qui les connaissent, ce petit nombre-là, ce petit groupe-là, qui connaissent la réalité de qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram dans cette zone grise-là, Ce sont les savants qui sont fermement ancrés dans la science et qui ont les outils de la science islamique qui les rend aptes à distinguer entre ce qui est ambigu dans ces questions-là. Donc, le cheikh il dit, ces savants-là, qui sont les savants qui sont fermement ancrés dans la science islamique, ceux-là, ils savent qu'est-ce qui est halal et haram dans les choses ambiguës. Et dans les choses qui ne sont pas claires, ils savent est-ce qu'elles sont halal ou est-ce qu'elles sont haram. وَذَلِكَ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ Et ça, comment ils font pour distinguer entre ce qui est halal et ce qui est haram, c'est à cause de la science et de la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Et également à cause de la connaissance qu'ils ont des règles qui se rapportent à la façon dont on peut extraire les preuves des textes et comment on fait le tarjih c'est-à-dire comment on arrive à déterminer quelle position est vraie en faisant les preuves qui sont présentées en regardant les différentes positions des ulama puis en analysant les preuves pour essayer de savoir quelle position est plus proche de la vérité donc il y a peu de gens qui savent comment faire ça et ce sont Ceux qui savent le faire, ce sont les ulama qui sont très fermement ancrés dans la science islamique. Donc, du moment qu'un de ces savants-là a réussi à clarifier qu'une chose est halal, il l'apprend. Et du moment qu'il a réussi à clarifier qu'une chose, elle est haram, alors il la jette ou il la relève, il la délaisse, il la fait pas. Et s'il a un doute ou s'il y a quelque chose qui est pas clair pour lui, il s'arrête, hein, il avance pas, il le fait pas. Et ça, c'est la position qu'on doit adopter face aux choses qui sont douteuses ou des choses qui sont ambiguës, qui sont pas claires pour nous par la religion. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'écarte ou qui fait attention de ne pas tomber dans les shubuhat, dans les choses qui sont pas claires, alors celui-là, il a pris un moyen de se protéger dans sa religion, c'est en abandonnant les choses douteuses. Hein? Alors celui-là, il a préservé sa religion et son honneur. Il a gardé son innocence en préservant sa religion et son honneur, en abandonnant les choses douteuses dans la religion. Et donc lui, yani, il a purifié sa religion de toute chose haram. Et il a purifié son honneur de tout ce que des gens pourraient dire à son sujet, du fait que on aurait pu commencer à l'accuser d'être rentré dans des choses douteuses. Et en s'écartant des choses douteuses, il a préservé son honneur. فمن ترك المشتبهات حصل على هاتين الخصلتين أو الخصلتين براءة الدين يعني طهارته ونزاهته وطهارة العرض وهاتان مزيتان عظيمتان توجبان على الإنسان أن لا يتعجل في الأمور حتى يتبين له أمرها وإذا رأى الناس وإذا رأى الناس يختلفون فيها فهذا يفتي بأنها حلال وهذا يفتي بأنها حرام توقف وابتعد عنها لأن الخلاف في هذا دليل على أنها مشتبهة. Donc on voit l'explication du cheikh ici qui nous explique l'attitude du musulman face à des situations pareilles. Le cheikh il dit que donc celui qui s'est écarté des choses douteuses qui ne sont pas claires, il a atteint deux choses. Il a atteint deux particularités, deux caractéristiques. La première, c'est qu'il a gardé sa religion, il est resté innocent dans sa religion, il est resté pur et propre dans sa religion. Il a gardé sa religion propre, il a gardé sa religion pure. Parce qu'il s'est écarté des choses douteuses. Deuxièmement, il a préservé son honneur pur. Son honneur est resté pur. Et le chef, il dit, ces deux caractéristiques-là sont deux grandes caractéristiques qui font en sorte qu'un être humain ne doit pas se précipiter dans les choses qui ne sont pas claires pour lui. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour toi, ne te précipite pas. Et si tu vois qu'il y a des gens qui divergent, un tel chef, il donne une fatwa et il dit que telle chose, elle est halal. Et tu vois un autre chef qui dit qu'elle est haram, alors toi tu t'arrêtes. Quand tu vois ça, tu t'arrêtes. Tu t'avances pas. Hein? Tu t'éloignes au contraire de cette chose-là. Parce que, le cheikh il dit, le fait qu'il y ait ce genre de divergence, c'est la preuve que cette chose-là, elle est douteuse. Le fait qu'il y ait ce genre de divergence, c'est la preuve que cette chose-là, elle est douteuse. Et donc, il ne faut pas se précipiter. Mais les gens qui cherchent à suivre leurs désirs et leurs passions, quand ils voient qu'il y a une divergence entre les savants, au lieu de s'arrêter, au lieu de s'écarter, au lieu de s'éloigner, et puis de dire, moi je vais faire attention pour pas tomber dans les choses douteuses, eh bien, ils utilisent ça comme un argument pour dire, ah, mais ça veut dire que c'est permis. Ah, s'il y a une divergence, un qui dit que c'est permis, l'autre qui dit que c'est pas permis, ça veut dire qu'on a le droit de le faire. Puisque de toute façon, il y en a qui disent, puisque de toute façon, il y a quand même un savant qui a dit que c'est permis, et donc j'ai le droit, je vais le suivre celui-là. Hein? Et donc, il dit, je vais le suivre celui-là, comme ça je peux dire qu'il y a quelqu'un avant moi qui a dit la même chose que moi. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant juste de savoir qu'un savant l'a dit avant toi. L'important, c'est de savoir est-ce que ce que ce savant-là a dit était en accord avec les preuves et les textes du Coran et de la Sunna ou en contradiction. Et de savoir est-ce que c'était plus proche de la vérité ou non. Donc le cheikh il dit, من قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا تسهلت في الشبهات وأخذتها وقلت ما دام فيها خلاف فلا بأس فيها، فهذا يجرك إلى أن تقع في الحرام، لأنك إذا تساهلت في المشتبهات تساهلت في الحرام الصريح، وهذا خطر عظيم. فإذا تساهل الإنسان فيما اختلف فيه فإنه يتجرأ على ما أجمع على تحريمه، وأيضا هو لم يستبرئ لدينه وعرضه. Le cheikh explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite que celui qui tombe dans les choses qui sont douteuses et qui sont ambiguës, il tombe dans ce qui est haram. Celui qui tombait dans les choses qui étaient douteuses et qui n'étaient pas claires, c'est comme s'il était tombé dans le haram. Le cheikh il dit pourquoi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ça? Parce que lorsque tu prends ça, que tu prends à la légère le fait de rentrer dans les choses qui sont douteuses et de les faire. Tu dis, ah, c'est pas grave, c'est des choses douteuses, il y a une divergence. Et que tu te permets de le faire, hein, et tu dis, bon, du moment qu'il y a une divergence, alors il n'y a pas de problème, je peux le faire. Il y en a qui pensent comme ça. Le cheikh, il dit, non. Si tu penses comme ça, c'est des choses comme, c'est cette attitude-là va te faire tomber dans le haram. Parce que lorsque tu trouves des choses douteuses, tu prends ça à la légère, puis tu te laisses aller, tu dis, ah, c'est pas grave, hein. Tu dénigres la situation et tu dis, c'est pas grave, je rentre dans les choses douteuses. Et bien, quand il y a quelque chose qui va être clairement haram par la suite, tu vas faire la même chose. Tu vas prendre ça à la légère. Et tu vas dire, ah, mais c'est pas grave. C'est juste un petit haram. Il y en a qui vont dénigrer le péché qu'ils font pour essayer de dire comme si c'est pas si grave que ça, je vais le faire. Et donc, le fait que tu t'es laissé aller dans les choses douteuses, par la suite, tu fais quelque chose de plus grave et puis tu ne le prends pas avec un regard important. Tu diminues la gravité de ce que tu fais. Et ça, c'est très dangereux, le cheikh il dit, parce que du moment que quelqu'un il se laisse aller dans les choses qui sont sur lesquelles il y a des divergences, il se laisse aller dans ces choses-là, il risque de tomber, comme on l'a dit, dans les choses qui sont clair et que tout le monde est d'accord que c'est haram par la suite. Il va oser dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Et donc, par conséquent, il ne va pas protéger sa religion, il ne va pas garder sa religion pure et propre, et il ne va pas non plus protéger son honneur. وهذا من الآفات الموجودة في الناس الآن، فبعضهم يقول ما دام في ذلك خلاف فليس علي حرج أن آخذ بأي قول شئت من الأقوال. نقول لا، بل عليك أن تتحرى الحلال، لأن فعلك هذا قد يضرك إلى الوقوع في الحرام، ولا تستبرئ لدينك ولا لعرضك، والخلاف لا يصور لك الوقوع في هذا الشيء. الشيخ explique ici un point. Il dit que ça fait partie des malheurs qui sont répandus actuellement chez les gens, chez les musulmans en général. Les gens aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils pensent. Il y en a qui disent, ah, du moment qu'il y a une divergence, comme on a dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de problème, je peux prendre la position que j'aime. C'est-à-dire, il y a un savant qui a dit que c'était halal, il y a un savant qui a dit que c'était haram, donc je vais choisir celle que j'aime, celle qui est en accord avec mes passions, celle qui est en accord avec mes désirs. Sans prendre en considération les textes et les arguments et les preuves, je vais juste suivre qu'est-ce qui fait mon affaire. Et donc, il dit, ça c'est pas grave puisqu'il y a divergence. Et le chef il dit non. Hein? Il faut pas agir comme ça. Au contraire, il faut chercher ce qui est halal. Hein? Il faut chercher et faire des recherches pour trouver qu'est-ce qui est réellement halal, parce que si tu agis de la façon dont on a décrit tout à l'heure, du fait de juste prendre la position qui fait ton affaire, et bien ça va t'amener à tomber dans le haram, et tu ne vas pas avoir protégé ta religion ni ton honneur, contrairement à la personne qui prend des précautions justement pour éviter de tomber dans qu'est-ce qui est douteux. Le cheikh dit fa l'insan idha arada an yamurra fi tariq la yadri hal huwa amin wa khal min qutta' at-tariq min qutta' at-turuq aw at-tiba' am la fa innahu yatajannabuhu li-ishtibahihi li-ishtibahi amrihi alayhi wa ihtimali an yakuna ghayra amin وهذا في أمر من أمور الدنيا فكيف في أمر من الدين أو في أمر الدين الذي هو أعظم فهذا الحديث فيه إثبات الورع والاحتياط وأن الإنسان يحسن به أن يأخذ بالورع والاحتياط لأن ذلك أسلم له وأبعد عن الزلل donc le cheikh explique il dit que il compare ça il donne un exemple il dit c'est comme quelqu'un qui veut prendre un chemin. Tu vois un petit chemin dans la forêt, là. Tu sais pas si ça t'amène dans un endroit où il y a des gens qui sont des voleurs ou des gens qui sont des, gens dangereux ou bien des animaux sauvages qui pourraient te faire du tort. Tu es douteux. Tu es hésitant à prendre ce chemin-là. Est-ce que tu vas le prendre ou non? Le mieux, c'est de l'éviter. Puisque tu risques de rencontrer sur ton chemin des choses qui vont être dangereuses pour toi. Donc, si ça c'est le cas pour les choses de la dunya, que tu vas pas prendre un chemin qui est douteux. Donc, qu'est-ce que tu peux dire des questions qui ont rapport avec la religion qui sont encore plus importantes que les questions de la vie de la vie d'ici-bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith-là, c'est que dans ce hadith, on comprend que il faut faire attention et prendre des précautions pour éviter les doutes et s'éloigner de tout ce qui est douteux. Et en même temps, al-ihtiyat, c'est-à-dire, tu dis par exemple, je sais qu'il n'y a peut-être pas de danger, mais prendre des précautions pour éviter quelque chose qui pourrait être mauvais, parce que tu as des doutes. Donc c'est ça, l'ihtiyat, c'est de prendre des précautions. Et donc une personne qui prend les précautions et qui fait attention, eh bien il est plus en sécurité que celui qui fait pas attention et qui prend pas de précautions et puis est plus loin des problèmes. Le cheikh il dit wa thumma daraba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mathalan mahsusan lilladhi yaqa'u fi ash-shubuhat annahu qad yaqa'u fi al-haram. فقال كالراعي راعي الغنم يرعى حول الحمى والحمى الشيء الممنوع يسمى حمى وكان من عادة قبائل العرب إذا أصخب موضع من الأرض أنهم يحمون هذا المرعى فلا يقربه أحد ليختص به ليكون لمواشيهم فإذا جاء من يرعى بغنمه حول هذا الحمى فإنه لا يستطيع أن يمنع انفلات بعض غنمه إلى ذلك الحمى فربما تنفلت واحدة أو أكثر فتقع في الحمى فيتعرض لعقوبة صاحب الحمى فالحاذق منهم الذي يحتاط لأمره ويذهب بغنمه بعيدا عن الحمى. Donc le cheikh explique, il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite il a donné un exemple pour nous faire comprendre le sujet dont on parle et c'est en donnant l'exemple d'un terrain qui est interdit et il donne l'exemple de quelqu'un qui a un troupeau. Donc il dit si toi tu as un troupeau, le prophète Hassan dit si toi tu as un troupeau et tu veux faire pâtre ton troupeau, tu veux que ton troupeau de moutons il mange de l'herbe quelque part. Et que tu sais qu'il y a un endroit qui est il y a de l'herbe là-bas, mais c'est un endroit qui est privé, un terrain qui est privé, qui est interdit, que ça appartient à quelqu'un et que lui, il veut pas que des gens viennent battre avec leurs troupeaux à cet endroit-là. Toi, si tu veux éviter justement que ton, que tes moutons aillent manger dans ce terrain-là, eh ben, si tu t'en vas battre juste à côté, eh ben, c'est possible qu'il y a un de tes moutons ou plusieurs de tes moutons qui vont commencer à aller manger l'herbe dans ce terrain-là. Donc, quelqu'un qui est intelligent, il va éloigner son troupeau de cet endroit-là pour éviter justement que son troupeau ou un de ses moutons ou plusieurs de ses moutons aillent battre à cet endroit-là et aillent brouter de l'herbe de cet endroit-là. Donc, le cheikh dit que ça c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, qui est un exemple qui est courant à l'époque des Arabes, lorsqu'ils voulaient faire en sorte que, lorsqu'ils avaient une terre et qu'ils voulaient l'interdire, disons qu'ils voulaient que son troupeau vienne manger dans cet endroit-là, ils l'interdisaient aux autres. Et ils appelaient cet endroit-là un shima. Shima, c'est-à-dire un endroit qui est protégé, qui est interdit. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne pour manger à cet endroit-là. Donc, le cheikh, il dit que, donc, pour éviter que la personne soit punie du fait qu'elle fasse, qu'elle a fait manger son troupeau à cet endroit-là, eh bien, le mieux, c'est de s'éloigner et d'éviter. Donc, فَكَمَا أَنَّ هَذَا الرَّاعِ قَدْ لَا يَمْلِكُ مَنْعَ غَنَمِهِ مِنَ الْإِنْفِلَاتِ وَالْوُقُوعِ فِي الْحِمَى فَإِنَ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ منع نفسه من الوقوع في الحرام إذا تلبس بالشبهات فهذا مثال واضح ومحسوس يدل على وجوب اجتناب الشبهات لئلا يقع الإنسان في الحرام. Le cheikh il dit que de la même manière que le berger qui a un troupeau, il pourra pas retenir ses moutons si ses moutons commencent à rentrer dans le terrain qui est interdit pour eux. Il pourra pas les ramener facilement. Hein? Donc, pour éviter ça, il s'éloigne. Donc, la même façon que toi, par exemple, un être humain, tu pourras pas te retenir non plus de tomber dans ce qui est haram si tu te rapproches trop de ces choses-là qui ont été interdites pour toi. Alors, éloigne-toi. Éloigne-toi de ces choses-là, et ça nous indique donc l'explication que lorsqu'il y a des choses douteuses, de s'en éloigner. Et à notre époque, c'est pas juste des choses douteuses qu'on doit s'éloigner, hein, parce que on voit que des gens ils s'éloignent même pas des choses haram, qui sont claires, des choses qui sont clairement haram et ils le font. Pardon. Des choses qui sont clairement haram, ils s'en écartent pas et les font. Et là, on parle pas des choses haram, de s'en écarter. On parle des choses douteuses, ou des choses ambiguës, des choses pas claires, des choses, on sait pas si c'est halal ou haram. Et, on doit s'en écarter. Donc, si c'est le cas pour les choses qui sont pas claires, imagine pour les choses qui sont claires, c'est encore plus obligatoire de s'en écarter. Et donc, il y a des gens comme ça aujourd'hui, qui tombent dans des choses haram, mais vraiment incroyables. Comme par exemple, il y en a qui font des choses haram en sortant dans, par exemple, des endroits où il y a de l'alcool, où il y a des femmes, où il y a de la musique, et ils vont dans ces endroits-là, et ils disent, moi je vais pas faire rien de haram, c'est-à-dire je vais aller dans ces endroits-là, je vais pas boire, je vais pas toucher à une femme, ou je vais pas danser nécessairement, je vais juste rester assis là-bas, puis je vais regarder les autres, et je vais juste voir du monde, hein. Même si tu vas pas là-bas pour faire quoi que ce soit, hein, le fait que tu es là déjà t'a rentré dans le haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, écartez-vous des choses douteuses. Ça c'est même pas douteux, ça c'est clair que c'est haram. T'as pas le droit d'être dans cet endroit-là. Parce que tout ce qui t'amène au haram est haram. Hein? La musique c'est haram, l'alcool c'est haram, le zina c'est haram. Et tout ce que tu vas faire dans cet endroit-là, c'est des choses qui vont t'amener au haram. Mais le problème, ça c'est un exemple que tu donnes, mais il y a un problème. Maintenant, si tu vas au centre-ville la fin de semaine, tu vois les clubs et les endroits où les jeunes vont là maintenant, c'est rempli de jeunes musulmans et de jeunes musulmanes qui vont dans ces endroits-là maintenant. Si tu vas au centre-ville, dans ces endroits-là, tu vois aujourd'hui, c'est rempli de jeunes musulmans qui vont dans ces endroits-là. Et ils agissent comme si ces endroits-là, c'était halal d'y aller. Et comme si c'était pas de problème. Parce que leurs parents leur ont pas appris l'islam. Beaucoup c'est de l'ignorance ou bien des fois c'est juste de l'indifférence. Ils pensent que c'est correct. Oui, il y en a qui veulent rien savoir aussi, qui veulent juste suivre leurs désirs et leurs passions, puis faire tout ce qu'ils veulent, même s'ils savent que c'est haram. Donc, c'est ça l'exemple du fait qu'aujourd'hui, c'est ça ce qu'on retrouve, la réalité dans beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui, c'est ça. Ils vivent dans ils vivent une vie comparable à celle des koufars, Peu importe que ce soit un mariage, que ce soit un baptême, que ce soit n'importe quoi, si quelqu'un t'invite quelque part, à quelque chose, et que quand tu arrives là-bas, tu réalises que c'est des choses haram qui se passent, tu n'as pas le droit d'y aller. Ouais, n'importe quoi de haram, tu rentres là-bas, tu vois, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui se mélangent, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font de la danse, des choses comme ça, à partir de ce moment-là, tu t'en vas, tu restes pas. Tu n'as pas le droit de rester. Donc, ça c'est la même chose. Donc, tout ça, on ne parle pas de choses maintenant qui sont douteuses, on parle des choses haram. Donc imaginez si c'est le cas pour des choses qui sont douteuses. Aujourd'hui, maintenant, en Occident, la majorité des cas, les gens ils s'éloignent pas des choses qui sont haram. Ils tombent dans les choses haram. Là, on ne parle pas des choses haram, on parle des choses douteuses. Donc si c'est le cas pour les choses douteuses, le hadith, au complet, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le halal, il y a le halal qui est clair, et il y a le haram qui est clair. Entre les deux, il y a des choses qui sont douteuses. Que peu de, il n'y a pas beaucoup de gens qui les connaissent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que sont halal ou haram. Mais celui qui a fait attention et qui s'est écarté de ce qui est douteux, il a préservé sa religion, il a préservé son honneur. Mais celui qui a pas fait attention et qui est rentré dans les choses douteuses, il est rentré dans le haram. Comme quelqu'un qui a un troupeau qui vit avec des animaux qui viennent pour les faire pâtre autour d'un terrain qui est privé, qui est interdit. C'est très facile, c'est possible qu'il va manger dans ce terrain-là. Alors, il a donné cet exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas rentrer dans des choses douteuses. Aujourd'hui, on rentre dans des choses haram, clairement haram, pas dans des choses douteuses, des choses haram, directement. Donc, c'est ça le problème. Et oui, et après on se demande, on pense que, non, il faut quand même, a'udhu billah, que Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Là, le cheikh, il dit, ensuite, oui, c'est ça. فَكَمَا أَنَّ هَذَا Ok, on a donné l'exemple du troupeau et tout ça. Ça, c'est un exemple pour nous faire comprendre. Et le prophète Sassam a donné cet exemple-là, qui est un exemple concret et qui est un exemple palpable que les gens connaissent pour nous faire comprendre le danger de tomber dans qu'est-ce qui est douteux, parce que ça peut nous amener au haram. Après le cheikh dit, « Summa innahu sallallahu alayhi wa sallam, fi akhir al-hadith, bayana al-sabab alladhi yaj'alu al-insan mutawarri'an, wa mutajanniban lish-shubuhat, wa sabab alladhi yaj'alu al-insan mutasahilan, la yatawarra'u an lish-shubuhat, wa bittali, قد لا يتورع عن الحرام فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا كان في القلب صلاح فإن صاحبه يتورع عن الشبهات وإلا إذا كان قلبه ليس فيه صلاح فإنه لن يبالي بالشبهات ثم لن يبالي بالحرام فيما بعد فالمدار على القلب فما هو القلب؟ القلب هو المضغة يعني قطعة اللحم التي في الصدر والتي بها يميز الإنسان بين الضار والنافع وبين الطيب والخبيث. Donc le cheikh explique ici, et juste avant de commencer, on va expliquer comme on a dit, ici le cheikh, il nous parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous interdit non seulement de faire ce qui est haram, mais qui nous interdit également de rentrer dans ce qui est douteux. Et comme on a dit tout à l'heure, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on rentre dans ce qui est haram, et non pas dans ce qui est douteux. Eh bien, qu'est-ce que le hadith il nous enseigne en réalité? C'est que lorsqu'il y a quelque chose qui est douteux, on ne doit pas rentrer dans ce qui est... C'est-à-dire, on ne sait même pas si c'est haram, peut-être que c'est halal, mais on s'éloigne de ce qui est peut-être halal pour éviter de tomber dans le haram. Aujourd'hui, nous, on ne fait même pas attention à les questions qui sont clairement haram, on le fait. Et on dit, ah, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça, c'est des exemples de façon comment le shaitan il joue avec nous. Hein? Et le shaitan il dit donc, il y a la cause, après par la suite le prophète Hassan il a expliqué dans le hadith, la cause qui fait que quelqu'un va faire attention et va s'écarter des choses douteuses. Et la chose qui va faire qu'il va prendre à la légère les choses qui sont douteuses puis qu'il va tomber dans les choses douteuses et qui sont ambiguës. C'est, et donc, yani qui risque par la suite de faire ce qui est haram, sans hésitation. Cette chose-là, c'est quoi? C'est quand il mentionne les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans le corps un morceau de viande ou un morceau de chair, que s'il est bon, le reste sera bon. Et s'il est mauvais, le reste sera mauvais. Et c'est le cœur. C'est le cœur. En fait, la cause de qu'est-ce qui va faire qu'une personne va s'éloigner de ce qui est douteux qu'il a des doutes, ou qui va faire le contraire, c'est-à-dire qu'il va prendre à la légère les choses douteuses et qu'il va commencer à les faire, puis que par la suite il va tomber dans le haram, c'est son cœur. Parce que le cheikh il dit, si son cœur il est bon, alors la personne elle va faire attention à tomber dans les choses qui sont ambiguës. Elle va s'écarter des choses ambiguës parce que son cœur est bon. Mais celui que son cœur il est pas bon, son cœur il est mauvais, eh ben il va pas prendre en considération les choses qui sont douteuses. C'est-à-dire il va rentrer dedans sans hésitation, sans problème, sans résignation, sans restreinte, sans se retenir. Il va les faire. Et donc, tout tourne autour du cœur en réalité. Tout dépend en fait de la réalité de l'état du cœur de la personne. Si la personne a un bon cœur, et dans son cœur il y a de la foi, alors il va faire ce qui est bon, il y a de la foi dans son cœur, il s'éloigne de ce qui est haram, il s'éloigne de ce qui est douteux. Mais celui qui n'a pas de foi ou qui a un cœur qui est mauvais, il va se laisser aller vers ce qui est douteux, se laisser aller vers ce qui est haram. C'est le cœur. C'est ça. Donc, en fait, pourquoi ce hadith-là, en fait, il vient réfuter les gens de bid'ah qui essaient de distinguer entre le cœur et les actions. C'est-à-dire que vous allez trouver des gens qui disent, moi je fais le vol, je tue, je vole, je mens, je fais plein de péchés, je triche, hein, je suis pas, je fais pas mes prières, je porte pas la femme elle dit je porte pas le voile, ou bien je fais pas le jeûne de Ramadan, je fais pas ce que je dois faire, mais j'ai un bon cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui a un bon cœur, si son cœur il est bon, tout le reste va être bon. Tout son corps va être bon, les actions qu'il fait vont être bonnes, les paroles qu'il va dire vont être bonnes. Et si il a le contraire, s'il a un cœur qui est mauvais, ses paroles vont être mauvaises, ses actions vont être mauvaises, ses gestes et tout ce qu'il fait va être mauvais. Hein? Oui, Barakallahu fik, de te purifier toi-même en disant que tu as un bon cœur. Et en est déjà en parfait, déjà en partant, même si tu fais des bonnes actions et que tu fais ce qui est obligatoire pour toi, tu ne devrais pas dire aux gens j'ai un bon cœur, parce que c'est Allah seul qui connaît la réalité de ton cœur. Mais en plus, tu ne fais pas ce que tu dois faire, puis tu fais tout ce que tu ne dois pas faire, puis tu prétends que tu as un bon cœur, ça c'est contradictoire. Donc c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire, hein. Ouais, mais ça dans ce cas-là, c'est l'hypocrisie. Tu vois? C'est quelqu'un qui fait la prière, fait le jeûne, fait toutes les adorations. Et après, dans son cœur, il croit pas en Allah, il croit pas en l'islam, il fait ça juste pour montrer. Eh ben lui, c'est l'hypocrite, c'est le munafiq. Donc les deux, c'est mauvais. Hein? Celui qui a un bon cœur et qui montre le contraire c'est-à-dire celui qui dit qu'il a un bon cœur et qui fait le contraire, c'est contradictoire. Celui qui a un mauvais cœur mais qui fait tout ce qui est bien, hein, c'est-à-dire qui croit pas en Allah mais qui montre qu'il est un croyant, alors qu'en réalité il n'est pas croyant dans son cœur, ça c'est l'hypocrite. Oui, le munafiqoun, c'est celui qui dit je suis un croyant, mais dans son cœur il ne croit pas en l'islam. Il fait ça pour tromper les gens, pour faire du mal aux gens. Donc il dit le contraire de ce qui est dans son cœur. Donc ça c'est important de comprendre que non. Sur le cœur, non. C'est vrai. Comme le frère il dit, il y a un hadith qui mentionne que la personne lorsqu'il fait un péché, ça met un point noir sur son cœur, puis s'il continue à faire un autre péché, ça va faire un autre point noir, puis un autre point noir, puis un autre point noir, jusqu'à ce que son cœur devienne complètement noir au complet. Et à partir du moment où il devient complètement noir, il ne peut plus distinguer par la suite entre le bien et le mal, entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Il devient à l'envers. Son cœur devient à l'envers. Comme un verre qui est renversé à l'envers, tu peux rien mettre dedans. Hein? Un verre qui est renversé à l'envers, tu peux pas verser de l'eau dedans parce que il est à l'envers. Donc, le cheikh, il dit, il donne donc cet exemple-là. Et si quelqu'un, il fait un péché puis qu'il a une tache noire qui se met sur son cœur et qu'il demande pardon et qu'il fait tauba, il se repent, eh bien, ce point noir-là, il s'efface. Donc il faut toujours purifier notre cœur et se repentir avec la prière, avec les actes de piété, de s'écarter de ce qui est haram. Donc, le cœur, c'est ce morceau de chair qui est en nous. Hein? Et donc le chair, il dit, si tu dis que ton cœur est bon, si tu prétends que ton cœur est bon, tu dois faire les actions qui viennent avec. Et tu dois t'écarter de ce que Allah t'a interdit. Mais c'est ça que le cheikh il dit justement ici. Il dit, donc, le cœur c'est le morceau de viande, et c'est cette partie-là qui fait en sorte que l'être humain est capable de distinguer entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est nuisible. Donc, quand ton cœur devient trop noir, trop corrompu par les péchés, ben par la suite, tu n'es plus capable de distinguer entre ce qui est bon et mauvais. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans la mécréance, eh ben, ils voient des choses mauvaises avec leurs yeux, et puis ils ne peuvent même plus savoir est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Hein? Oui, mais c'est sûr, parce que ces gens-là, déjà avec la drogue, quand ils prennent des gens qui prennent de la drogue comme ça, après ça affecte leur cerveau, ils ne peuvent plus. Par la suite, ils n'ont plus un jugement qui est efficace, ils ne peuvent plus juger bien entre les choses. Ben oui, c'est mauvais. Ça affecte le tempérament par la suite. Le cheikh, il dit, قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإذا عمي القلب وقع الإنسان في الشرك والكفر والمفاسد وإذا كان في القلب بصيرة فإنه يتجنب هذه الأشياء فالمضار على القلب. الشيخ dit que Allah dit dans le verset 46 dans sourate Al-Hajj, ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur qui s'aveugle, le cœur qui est dans les poitrines qui s'aveugle. Donc le vrai aveuglement, le fait d'être réellement aveugle, c'est pas de pas pouvoir voir avec ses yeux, mais plutôt d'avoir le cœur aveugle. C'est ça le vrai aveuglement, d'être réellement aveugle. Et donc le cheikh dit que si quelqu'un a le cœur aveugle, alors il va tomber dans le shirk, il va tomber dans le kufr, il va tomber dans toutes les choses mauvaises, et il va même pas réaliser que c'est quelque chose de mauvais. Hein? Et si un cœur est éclairé et clairvoyant, alors il va s'écarter de toutes ces choses-là. Donc tout tourne autour du cœur. Et le cheikh il dit « Ala wa inna fil jasad mudra » يعني قطعة لحم صغيرة فإذا صلحت صلح الجسد كله صلحت بخوف الله وخشيته وتقواه ومحبته وإذا فسدت فلن تخشى الله ولم تخش منه ولم تحبه فإن الجسد يفسد لأن القلب هو مالك الجسد وإذا صلح الملك صلحت الرعية وإذا فسد الملك فسدت الرعية فعلى المسلم أن يسأل الله صلاح قلبه لأنه إذا صلح قلبه صلحت أموره كلها وإذا فسدت قلبه فسدت أموره كلها. Le cheikh il dit ici que il y a dans le corps un morceau, c'est-à-dire un morceau de chair qui est petit, que s'il est mauvais, eh bien tout le reste du corps va être mauvais. Et comment il va être, et s'il est bon, tout le reste du corps va être bon. Comment il va être bon? C'est en ayant la crainte d'Allah, en ayant peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'écartant de ce que Allah interdit, et en faisant ce que Allah ordonne, et en aimant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque quelqu'un fait ça, son cœur devient propre, devient bon. Et lorsqu'il devient corrompu, son cœur, eh bien c'est parce qu'il n'a pas craint Allah, il n'a pas eu peur d'Allah, il n'a pas aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas-là, tout son corps devient corrompu, parce que le cœur, c'est comme le roi dans le corps. Et si il est bon, alors le reste va être bon. C'est comme un roi dans un royaume. Si le roi il donne des ordres à ses soldats puis qu'il est bon, il va ordonner des bons ordres et les gens vont faire le bien. Et s'il est mauvais, toute la population vont suivre dans le mal également. Et ça c'est l'exemple par rapport au cœur, par rapport aux membres. Bien entendu, dans la réalité, un roi peut être bon alors que le peuple est mauvais, et le ça peut être le contraire aussi. Puis il y a d'autres différences par rapport aux dirigeants ou aux rois, par rapport à la population, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'obéir à un dirigeant qui nous ordonne de faire un péché. Tandis que ton cœur, s'il ordonne à ta main de faire quelque chose de haram, ta main peut pas résister à ton cœur. Tandis que si un roi te dit vole ou tue ou fait quelque chose de haram, toi tu as le droit, tu as la conscience, tu as la volonté de t'abstenir de faire ce péché-là. Donc il y a une différence quand même entre le roi et la population et le cœur et les membres du corps. Mais le cheikh donne cet exemple-là pour nous faire comprendre qu'il y a un lien entre le cœur et les gestes qu'on fait. Tu peux pas faire des choses mauvaises puis tu dis ton cœur est bon, c'est contradictoire. Donc le cheikh il donne cet exemple là. Après il dit wa li hadha kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min qawli ya muqallib al-qulub wal-absar thabbit qalbi ala dinik. Taqulu lahu Aisha radiyallahu anha fi dhalika fayaqulu laha ya Aisha wa ma يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلبها أن يقلب قلب عبد قلبه فالقلوب بيد الله عز وجل. Il dit, le chef il dit que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment le dua. Il disait souvent, ô toi qui fais tourner les cœurs et la vue, raffermis mon cœur sur ta religion. Et Aïcha radiallahu anha, elle demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle demandait pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment ce dua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait en disant, ô Aïcha, qui va me préserver ou me garder en paix alors que les cœurs des serviteurs d'Allah sont entre deux parmi les doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, c'est Allah. Donc Allah, il a entre deux de ses doigts le cœur de ses serviteurs et il peut les faire tourner comme il veut. Ça, il veut, il les fait tourner comme il veut. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours le dua pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermer, de garder son cœur ferme sur la religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est pour ça que nous, à notre époque aussi, il faut toujours demander au prophète, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le faisait, de garder notre cœur ferme sur la vérité, ferme sur la religion. Et le cheikh dit pour terminer, فعلى الإنسان أن يسأل الله أن يهدي قلبه وعليه أيضا أن يتجنب ما يفسد القلب لأن القلب يفسد بالشبهات والمعاصي وبأكل الحرام فالمعاصي بجميع أنواعها تفسد القلوب تفسد القلوب النظر إلى الحرام الاستماع إلى الحرام وكل هذا يفسد القلب فإذا نظر الإنسان إلى الحرام فسد قلبه وإذا استمع إلى الغنى والمزامير وآلات اللهو فسد قلبه وإذا وقع في المعاصي فسد قلبه وإذا أكل الحرام فسد قلبه فالإنسان يعمل الأسباب التي يصلح به أو يصلح بها قلبه أما حصول الصلاح فهو بيد الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit que un homme doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guider son cœur et il doit s'écarter de tout ce qui peut corrompre son cœur parce que le cœur peut être corrompu et qu'est-ce qui corrompt le cœur, c'est les ambiguïtés, les choses douteuses et les choses ambiguës, les choses qui sont des péchés. Les choses comme par exemple de manger des choses haram, comme du riba, ou des choses de nourriture qui ne sont pas halal, ou bien de faire des péchés en général, ça c'est des choses qui peuvent corrompre ton cœur. Donc, toutes les catégories de péchés peuvent corrompre ton cœur. Le fait de regarder quelque chose de haram, le fait d'écouter la musique ou des choses haram, le fait de manger des choses haram, tout ça, ça peut corrompre ton cœur. Donc, si quelqu'un regarde qu'est-ce qui est haram, ça corrompt son cœur. S'il écoute des chansons, de la musique, ou des instruments, des choses comme ça, ça corrompt son cœur. S'il tombe dans des péchés, ça corrompt son cœur. Et s'il mange des choses haram, que ce soit de la nourriture, ou du riba, ou d'autres choses, ça aussi, ça corrompt son cœur. Donc, l'être humain doit faire les causes, prendre les causes nécessaires et faire les moyens nécessaires pour purifier son cœur, hein, et une fois qu'il a fait ce qu'il faut pour s'écarter de ce qui est haram et pour faire ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, alors son cœur va être propre, il va être pur, va être nettoyé. Amma husul al-salah fa huwa bi yadillah. Mais pour avoir ce cœur-là qui est propre et qui reste pur et qui reste loin des péchés, et bien ça c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te le donner. C'est-à-dire qui peut faire que ton cœur reste droit. Et c'est pour ça que tu dois demander à Allah de le purifier, de le garder droit, de faire que ton cœur soit ferme sur la vérité. Ça, c'est par la permission d'Allah et par l'ordre d'Allah. Donc, oui. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. On va expliquer la semaine prochaine le hadith numéro 7. Mais on va, si tu veux continuer, poser une question, il n'y a pas de problème. Mais on va s'arrêter nous aussi.